Chapitre 9. La Grèce à Göttingen. Quand je parle à Byron, j'ai l'impression de réciter un poème. Je porterai à jamais certaines images de ton pays en mon cœur. Je parlerai à peine de Mykonos, où nous sommes restés une dizaine de jours. Oui, c'est beau, mais d'une beauté de carte postale. Le blanc des maisons, des églises et des moulins à vent est trop éblouissant. Le bleu des boiseries trop intense. La mer trop cristalline. La terre trop sèche et dépourvue d'arbres n'invitait pas à la promenade. Il faisait si chaud que nous sommes presque toujours restés dans une chambrette encavée que nous avions louée. Notre séjour y fut si paisible que je n'en ai plus qu'un souvenir sans aspérité. Nous y avons beaucoup lu et ne sortions qu'en matinée et à la tombée de la nuit. Un soir, j'ai croisé, dans une ruelle baignée par le soleil couchant, la beauté absolue. Elle avançait sur les pavés avec une grâce souple et légèrement ondulante de danseuse. C'était peut-être une autochtone à cause de sa jupe longue de gitane et ses longs cheveux noirs tombant sur une blouse à volant. Des traits purs et réguliers, un teint ombré, des yeux de velours noir, de fines chevilles. Elle n'avait rien dans les mains, mais j'ai pensé aussitôt à une femme allant à la fontaine, une cruche sur l'épaule, figure antique et éternelle. Une apparition fugitive qui s'est fondue dans la foule des touristes et que j'ai vainement cherchée les jours suivants. Klaus n'a pas dû la remarquer. En tout cas, il ne m'en a rien dit. S'il s'était retourné sur elle, je ne l'aurais point jalousée, car la beauté naturelle n'éveille en moi qu'émerveillement. Goûte donc ce petit verre de Retsina, Clotilde. Oui, Byron, mais laisse-moi continuer. Quand nous sommes revenus de Mykonos au Pirée, j'ai eu l'impression de débarquer en enfer. On y cuisait littéralement. Nous avons retrouvé la quatrelle où nous l'avions laissée, mais la batterie était à plat. Klaus a tempêté une fois de plus contre la camelote française. Mais j'étais trop fatigué pour répliquer. Un marin nous est venu en aide et nous sommes repartis le lendemain après une nuit à l'hôtel. Bien sûr, nous sommes montés jusqu'au Parthénon. Il n'y avait quasiment personne et le lieu était nôtre. J'ai caressé les colonnes et rêvé dans leur ombre. La chaleur était atroce. Byron, assis en face de moi à la table de la salle à manger de la résidence étudiante, me regarde en souriant. Il a une jolie fossette dans les joues droites. Un bel homme aux traits réguliers et chaleureux. Mais... Je m'acheminais en début d'après-midi vers l'immeuble de ma résidence universitaire à Göttingen, quand j'ai vu un homme d'une petite trentaine d'années s'avancer lentement vers moi en s'aidant d'une canne. Sa claudication, due à une jambe plus courte que l'autre, semblait douloureuse et fortement handicapante. Arrivé à mon niveau, il m'a souri. « Vous êtes nouvelle ici? Où habitez-vous ? » L'accent était oriental. Un Turc, un Iranien, peut-être un Grec. Me prenait-il pour une compatriote avec mes cheveux très bruns et mon physique pas du tout germanique ? Je lui ai montré une fenêtre au troisième étage derrière lui. « Moi, dit le jeune homme, j'habite au rez-de-chaussée dans l'immeuble, juste en face. D'où venez-vous ? » C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Originaire de Glyphada, près d'Athènes, il me raconta qu'il finissait ses études de médecine ici, à Göttingen. « Alors, vous êtes grec ? J'aime infiniment votre pays. Venez donc boire un verre de Retsina chez moi ce soir. Promis. » « Je viendrai, » avais-je dit. Arrivé depuis une petite quinzaine de jours à Göttingen, fin octobre, j'ai mis les pieds une seule journée à l'université où j'ai décidé une bonne fois pour toutes que je m'y ennuierais. Après le soleil de la Grèce, l'atmosphère compassée des bâtiments et le côté rigide des professeurs m'est insupportable. Mon mémoire de maîtrise, je le préparerai dans ma chambre d'où j'ai une belle vue sur les maisons cossues de la ville. La langue de tous les jours, celle que je connais le moins bien, je l'étudierai auprès des filles de mon étage. Élargir ma connaissance de l'allemand, je suis là pour ça, mais mon monde ne se limitera en aucun cas à la germanitude. J'ai la Grèce en tête. Ce soir, je retrouve Byron dans la salle à manger de sa résidence. Écoute la suite de nos pérégrinations. Je suis tout ouïe. En continuant notre route vers le Péloponnèse, nous pensions trouver un air plus respirable qu'à Athènes. La première nuit, nous l'avons passé non loin de Corinthe, sur un surplomb rocheux, au bord du golfe du même nom. Pas une ride sur la mer, pas le moindre bruissement dans les quelques arbres. Le silence était doigt. J'ai été réveillée par des démangeaisons, ou plutôt un picotement indéfinissable. Je me suis grattée furieusement. Klaus a commencé à se plaindre lui aussi. J'ai alors allumé la lampe de poche. Le matelas et les oreillers étaient envahis par des myriades de fourmis noires. J'ai hurlé, puis je me suis ressaisie. Il le fallait bien. En agrippant l'échelle montant à la tente, j'ai senti sous mes doigts des picotements et un chatouillis sur mes mains. J'ai à nouveau crié, me suis secouée comme une hystérique, puis j'ai dégringolé les barreaux 4 à 4. Pendant quelques minutes, j'ai tourné sur moi-même de panique en me frappant rageusement le corps pour écraser les bestioles. À son tour, Klaus s'est adonné à la même transe frénétique, puis il s'est effondré par terre, la tête dans les bras. Après avoir repris ma lampe de poche tombée, j'ai constaté que l'échelle reposait sur une fourmilière expédiant à l'assaut de ses montants des colonnes d'ouvrières zélées. Les clés de la voiture se trouvant en haut dans une petite trousse sous un oreiller, il n'était pas possible de déplacer la voiture. Pieds nus, mes sandalettes étant restées au pied de mon matelas, j'ai utilisé mon haut de pyjama pour débarrasser l'échelle de son fourreau grouillant. Ensuite, j'ai grimpé dans la tente où j'ai tapé avec mes chaussures pendant au moins 2 bonnes heures, comme une démente. J'ai appelé à l'aide Klaus qui m'a répondu « Non, ça je ne peux pas le faire. » Quel chiffre molle, quelle poule mouillée, me suis-je dit. Avec quel sadisme j'ai broyé et écrabouillé les pauvres petites bêtes affolées. Vers 3 heures du matin, Klaus a enfin pu déplacer la voiture et après une dernière inspection de nos matelas, nous avons regagné nos pénates ambulantes, non sans rester de longues minutes à l'extérieur, à regarder la placide lumière de la lune blafarde sur la mer. Baron, qui m'a écouté sans l'interrompre, me demande si je montre toujours autant de sang-froid. Non, je panique facilement. Je suis plutôt couarde de nature. Mais si personne autour de moi ne prend l'initiative, je me jette à l'eau. J'ai eu la pénible impression ce jour-là que Klaus était en dégonflé. Le jeune homme ne commente pas, mais dit « Viens donc écouter du sirtaki dans ma chambre ». Les yeux fermés, je flotte bientôt comme un oiseau au-dessus de flots étincelants, survole des îlots enchâssés dans leur parure de turquoise et d'émeraude, exécute d'amples mouvements de plus en plus rapides sur une grève blanche sous le ciel immaculé. J'aime cette musique de Théodorakis que j'ai entendue pour la première fois dans le film Zorba le Grec. Je crois bien avoir eu un coup de foudre pour ton pays à ce moment-là. Sais-tu qu'elle lui fut inspirée par une musique populaire des Grecs de Constantinople? Elle est divine et tellement profondément humaine. Elle exprime si bien le bonheur et la tristesse, la vie et la mort. Dis, il y avait des Grecs à Constantinople? Les Turcs de Grèce ont été échangés contre les derniers Grecs de Turquie en 1964. Il y avait eu une première épuration en 1923. Une horreur dont on ne parle guère. Je ne comprends pas le nationalisme qui n'a rien à voir avec l'amour du pays natal. Après une pause, je reprends. Sur le site escarpé de Mistra, alors que nous flânions dans cette cité abandonnée et déserte, des flots lancinants de musique orientale montaient de la ville nouvelle en contrebas et semblaient emplir tout l'espace. Les Ottomans et les autres envahisseurs ont laissé beaucoup de traces chez nous, notamment dans notre musique. J'avoue ne pas être un spécialiste. Bon, presque toutes les cultures sont métissées. Donne-moi donc un petit verre d'ouzo. Mistra. Des ruines moyenâgeuses de style byzantin. Un paysage grandiose, avec à nos pieds la vallée de l'Eurotas et des gorges s'enfonçant dans le massif du Taygeot. Sachant que l'ancienne cité de Sparte était tout près, j'avais l'impression d'être plongée dans un livre d'histoire. Je retrouvais mes 11 ans quand j'apprenais par cœur les travaux d'Hercule et les noms des dieux grecs. Ne penses-tu pas que tu relates une Grèce rêvée? Tu as sans doute raison. Un peu plus tard, nous avons passé 2 petites heures dans un café très sombre avec un archéologue allemand travaillant depuis 5 ans dans la contrée. Avec son chapeau de cuir, il ressemblait à un cow-boy. Il nous a appris beaucoup de choses. Klaus semblait s'ouvrir soudain à l'histoire et à l'archéologie. Après, il n'a plus rechigné à me suivre dans la visite des sites antiques. Revenu dans ma chambre après ma visite à Byron, je repense à cet archéologue quinquagénaire qui me fixait avec une telle intensité que j'en étais gênée. Puis je plonge dans un rêve bizarre dont j'ai une si claire souvenance que je m'empresse de le retranscrire. « Vous me rappelez terriblement quelqu'un, » me dit l'homme. « Mais qui donc ? Une jeune personne que j'ai connue en France pendant la guerre. Où l'avez-vous rencontrée ?»« Avec un autre soldat, Friedrich, j'assurais, début 44, un service de surveillance entre la zone occupée et la zone libre, à la croisée de deux routes dont l'une menait à un village éloigné de 2 kilomètres de la ligne de démarcation. On s'ennuyait ferme tous les deux à patrouiller dans le secteur, sous la bruine et dans le brouillard. Jamais je n'ai autant contemplé les tentacules dépouillés des arbres où s'ébattaient des nuées de corbeaux. Je me demandais ce que je faisais là, dans ce coin reculé de France, à embêter les paysans qui répondaient par un bref signe de tête à mes salutations quand il m'arrivait d'en croiser. Moi, en tant que jeune homme, j'étais gêné d'imposer une loi étrangère aux natifs du pays. Vous n'êtes pas passé par les jeunesses hitlériennes? Je n'ai pas pu s'y échapper, mais leurs aboiements de brutes ne faisaient que souligner leurs bêtises. J'ai toujours essayé de faire marcher ma tête par moi-même, mais j'ai su me taire quand il le fallait. Ma mère, fervente catholique, me rappelait sans arrêt les 10 commandements que j'essayais de faire mien, vaille que vaille, tout en restant prudent. Parlez-moi de la jeune fille. Un jour que Friedrich somnolait dans le poste de garde, très fatigué par un état grippal, j'entendis un bruit bizarre dans le profond fossé longeant la route. Que vis-je en m'approchant? Courbée sur une vieille bécane, une tête brune avançait en essayant d'écarter doucement les ronces. « Que faites-vous là ? » ai-je crié. Pas du tout décontenancée, une jeune demoiselle lève les yeux vers moi en souriant. Des pupilles de feu, un air coquin. « Je veux aller au village en vélo chez la dame qui me donne des leçons de couture. Un jour, je partirai en ville, car j'en ai assez de trimer dans la ferme de mon père. J'essaye d'apprendre un métier, vous comprenez ? Moi, c'est Lucie. Et vous, vous vous appelez comment ? Oui, j'aurais dû lui ordonner de rebrousser chemin, mais j'étais fascinée par ce gentil minois. Nous avons fait causette le plus naturellement du monde, assis sur une souche d'arbre. Je lui ai raconté que mes études avaient été interrompues par cette foutue guerre, mais que j'aimerais être archéologue si j'en sortais vivant. « Là-bas, dans ce champ devant nous, me dit-elle, vous voyez ce tertre ? Eh bien, mon père y a ramassé des pierres qui ressemblent à des pavés. Mon institutrice nous a appris que cette route sur laquelle nous sommes est une ancienne voie romaine. Plus tard, vous reviendrez peut-être fouiller par là. Je suis sûre que nos champs renferment des trésors. » Nous avons encore parlé de choses et d'autres, puis j'ai indiqué à Lucie où et quand elle pourrait traverser la frontière les jours suivants en toute sécurité pour se rendre au village. De toute façon, j'ai souvent fermé les yeux sur bien des choses, pas seulement avec elle, car je ne voulais pas ajouter de l'horreur à l'horreur, conformément à mes croyances religieuses. Vous avez souvent revu cette jeune fille ? Oui, car je me pointais à l'heure où je savais qu'elle allait passer. Friedrich a bien remarqué notre petit manège, mais le brave garçon répétait sans arrêt que ce n'était pas la peine de se donner des airs de conquistador maintenant que la guerre était perdue. Lucie me disait souvent, « Ernst, je me perds dans tes yeux, tes cheveux d'or, j'aimerais tant les toucher. » Et moi, de mon côté, je lui écrivais des poèmes. « Vous en êtes resté aux belles déclarations ? J'ai tenu à respecter la jeune fille qu'elle était. » Trop d'hommes autour de moi considéraient les femmes comme un possible butin de guerre, même s'il y a eu d'authentiques histoires d'amour. Je me suis contentée pendant 3 mois à peu près de me sentir merveilleusement bien auprès d'elle. J'étais sur un petit nuage dans un univers printanier qui éclosait de toutes parts. Tout autour de nous nous invitait à nous unir, mais j'étais sage. Pour la première fois depuis bien longtemps, je me sentais heureux et léger. Jusqu'au jour où... Alors que nous avions de plus en plus de mal à maîtriser nos élans amoureux et nos regards enfiévrés, notre histoire s'est arrêtée abruptement quand nos soldats sont remontés de Tulle vers la Normandie avec une colonne SS en semant la mort sur son passage. J'ai été fait prisonnier par des maquisards, puis expédié vers un camp dans le Pas-de-Calais. Dans un sens, j'étais soulagé que ce soit fini. Mais pendant 3 ans, j'ai dû travailler dans une mine de charbon car nous, les Allemands, nous devions aider à reconstruire la France. Des années très dures que je préfère oublier, même si j'y ai noué de solides amitiés avec certains de mes compatriotes. Avez-vous pu écrire à Lucie ? Oui, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Je suppose que ses parents n'ont pas vu notre relation d'un bon œil et ont confisqué le courrier. Après ma libération, en 1947, j'ai pu retourner chez moi à Francfort-sur-le-Main. Maison des parents bombardés, père et mère disparus, ville dévastée, un désastre. J'ai repris mes études à 25 ans, tout en travaillant dans le bâtiment. En 1960, on m'a confié un poste d'assistant à l'université. Vous n'êtes jamais revenu en France? Si, j'ai souvent arpenté ce coin du Poitou où j'avais rencontré Lucie, mais les Allemands y ont laissé de si pénibles souvenirs que je n'ai pas été toujours bien accueillie. Un jour, enfin, le curé du village de Lucie m'a avoué que ma bien-aimée s'était mariée avec l'un de ses voisins et avait quitté la région. C'est fou comme vous lui ressemblez. Réveillée en sursaut, je me sens bouleversée par ce pur amour entre les ressortissants de deux pays ennemis. Mais pourquoi ai-je fait ce rêve? Quel signe m'envoie mon inconscient? Cette histoire ne tombe pas du ciel, ne révèle-t-elle pas ce que je suis? Ces souvenirs de guerre racontés par mes tantes qui tapissent mon enfance, mon intérêt pour l'histoire de l'Allemagne, mon goût des situations sortant de l'ordinaire et de l'aventure, mon rêve d'amour absolu, c'est tout moi, bien sûr. Presque tous les soirs, je fais un tour chez mon ami grec. Toujours patient, toujours jovial. Ce que je goûte chez lui, c'est sa maturité et son humeur toujours égale. Ce n'est pas un artiste au caractère difficile comme Klaus, boudeur, susceptible, maniaque, égocentrique. C'est sans agacement qu'il réexplique interminablement à un étudiant en médecine iranien de son immeuble comment prendre l'attention. Le pauvre garçon, âgé d'une trentaine d'années, petit, d'allure chétive et souffreteuse, maîtrisant très mal l'allemand, redouble sa première année. Elle semble complètement dépassée. D'après Byron, ses parents se sacrifieraient pour ses études qui ne mèneront à rien. Depuis quelque temps, j'apprends le grec moderne à l'aide d'un manuel. Deux ou trois fois par semaine, je m'assois à côté de Byron à son bureau pour prendre des leçons de prononciation. Mais cela ne dure jamais bien longtemps, car nous finissons toujours par parler et rire de choses et d'autres en buvant un petit verre de Retsina ou d'ouzo. Entre nous règne une amitié fraternelle. Peut-être quelque chose de plus que nous ne cherchons pas à sonder. Je ne lui parle de Klaus que dans mes récits de voyage. Et lui, de son côté, n'a mentionné qu'une seule fois Irmgard, sa fiancée allemande, infirmière à Gifhorn, qui reçoit tous les dimanches. Une fois, je l'ai aperçue de loin, tellement emmitouflée à cause du froid qu'on ne pouvait voir son visage. La folie amoureuse ici non plus ne semble pas au rendez-vous. Byron, veux-tu bien écouter encore la suite de mon voyage? Je t'écoute. Nous ne sommes restés que 3 jours dans le Péloponnèse. Malgré notre volonté d'y séjourner plus longtemps, la canicule en fut la cause. Je n'évoquerai pas les sites archéologiques décrits dans tous les guides touristiques. Ils étaient tous déserts. La Grèce des colonels était véritablement boycottée. Après Délos, à proximité de Mykonos, Athènes, Corinthe, Mycène, Tirinthe, je commençais à avoir la nausée des ruines antiques. Elles sont pittoresques, elles s'insèrent magnifiquement dans le paysage pierreux et desséché, sous le ciel bleu, mais un profane en fit vite le tour. À Olympie, je me suis trouvée mal, car nous avions eu la fâcheuse idée d'entreprendre la visite des ruines en début d'après-midi. Alors que Klaus déambulait rêveusement entre les tronçons éparpillés des colonnes, pas du tout incommodé par la chaleur, j'étais attendue de tout mon long sur un bloc de pierre dans l'ombre maigre et immobile d'un olivier. Proche de l'évanouissement, je maudis 16 ans moi-même le Péloponnèse et cette fournaise. J'avais la bouche desséchée, les jambes gonflées, mes tempes cognaient. Dans ma torpeur, j'ai senti une forme s'approcher, une voix chevrotante murmurait à mon adresse des choses incompréhensibles. En soulevant la tête, j'ai vu dans la lumière aveuglante une vieille femme aux cheveux gris défaits et en haillons écarlates. D'où pouvait-elle sortir? Elle m'a semblé une apparition hors du temps. Mais je n'ai pas été effrayée, tant l'expression du visage était douce. Je lui ai désigné mes tempes douloureuses et mes jambes lourdes comme des poteaux. Elle a acquiescé, puis s'est éloignée en dodelinant de la tête. Aussitôt retombée dans mon engourdissement, je n'ai plus pensé à elle. Je n'ai pas tardé à percevoir un clapotis, puis des pas dans les broussailles. La vieille dame revenait avec une bassine et une bouteille d'eau. Avant de me soulever la nuque pour me faire boire, elle m'a tamponné le visage avec un linge trempé dans l'eau fraîche. Revenant tout doucement à moi, je me suis assise sur le bloc de pierre. La femme s'est alors accroupie à mes pieds qu'elle a pris entre ses mains après avoir retiré mes sandalettes, puis les a plongées dans la bassine. Ensuite, elle m'a frotté les jambes longuement avec son linge. Un geste auguste de nature christique, dans un lieu de culte sacré mais païen. Un geste venu du fond des temps, pratiqué par la Marie-Madeleine du Nouveau Testament. Un geste d'une humanité profonde et totale, de haute civilisation. Confondu d'émerveillement et de gratitude, je crois bien avoir arboré le premier sourire du nouveau-né à la vie, ce sourire si sincère et authentique. Klaus se tenait tout près, lui aussi visiblement très ému. Quand la vieille femme s'est relevée, il a voulu glisser un petit billet dans sa paume, mais elle a fait non de la tête, puis a disparu très vite derrière les arbres. Byron reste rêveur quelques instants, puis dit « Dans mon pays, à la campagne, de telles attitudes ne sont pas rares. Tu vois, ce sont ces gens-là, si démunis, si proches de la nature, mais porteurs encore de nos valeurs millénaires, que je voudrais soigner quand j'aurai fini ma médecine. Bon, buvons donc encore un petit verre de Retsina sur un air de Sirtaki. » Byron prend visiblement plaisir à m'écouter. « Après Olympie, où êtes-vous allé ?»« Oui, j'en étais resté là, en effet. Laisse-moi rassembler mes souvenirs. »« Un petit verre de Retsina d'abord ?» C'était en dimanche. Nous allions quitter Olympie en direction de Patras, puis d'Igoumenitsa, au nord-ouest, quand j'ai dit à Klaus qu'il nous fallait absolument faire un crochet par Delphes, à l'est. Quitter la Grèce sans avoir vu ce site si sacré, c'était tout simplement impensable. Cela nous obligerait ensuite à traverser les montagnes de la Grèce centrale, mais justement, ce serait intéressant de sentir le pouls du pays, loin des lieux visités par les touristes. Klaus, désormais rompu à ma curiosité insatiable, fut d'accord. Notre étape dans le lieu où parlait l'oracle d'Apollon nous parut d'autant plus enchanteresse que nous y étions seuls une fois de plus. J'ai senti là le souffle de l'histoire, un souffle que je qualifierais de divin si je croyais en Dieu. En tout cas, la beauté des ruines accrochées au flanc du Parnasse nous a bouleversés. Nous sommes restés longtemps à rêver. C'est le soleil à son zénith qui nous a chassés. Ensuite, nous nous sommes égarés à plusieurs reprises sur les petites routes de montagne. C'était terriblement angoissant. N'allions-nous pas tomber en panne d'essence? Et comme nous avions soif. Une fois de plus, j'ai senti que Klaus, qui a besoin de chemins bien balisés, paniquait plus que moi, qui suis toujours en quête d'inattendu. Les montagnes succédaient aux montagnes, sous un ciel blanc. Pas un village à l'horizon. Des parois nues, des précipices, des forêts inhospitalières et des broussailles calcinées, à perte de vue. Peu d'ombre, un vrai brasier. Le bourdonnement des insectes emplissait le silence. J'avais la nausée à cause des virages en épingle à cheveux. Soudain, au fond d'un vallon d'un vert plus prononcé, nous avons aperçu des tuiles rouges au milieu d'un bouquet d'arbres. Une petite maison blanche a stoppé net notre descente interminable. Là-bas, nous espérions trouver de l'eau. Un homme d'un certain âge est sorti sur le seuil, puis une femme, la sienne, je présume. J'ai montré notre gourde et mimé. Ils nous ont fait signe d'entrer chez eux. Nous avons pris place sur un banc à une table rudimentaire dans une pièce presque nue. Devait être un couple de bergers ou de petits agriculteurs vivant de leurs vignes et de leurs oliviers. L'homme a apporté une carafe d'eau et une bouteille pleine d'un liquide incolore, de l'ouzo bien sûr, et trois verres assez grands. Klaus a souri, l'homme aussi. La femme a posé sur la table une salade de tomates et du fromage de brebis, supposant, à juste titre, que nous allions boire sur un estomac vide. Elle se tenait à l'écart, à la fois souriante et grave. Rassurée d'avoir échappé à la fournaise de ces lieux sauvages, j'ai bu jusqu'à deux doigts de l'alcool anisé, ce qui a suffi pour me griser rapidement et m'obliger à m'en tenir là. Klaus, pour faire honneur à son hôte, a vidé la bouteille avec ce dernier, lequel, secoué de hoquet, s'amusait à le saouler en se tapant sur les cuisses. Sans se comprendre autrement que par gestes et mimiques, ils ont ri tout l'après-midi à se dilater la rate. J'ai prié mon ami d'arrêter de boire, mais il m'a regardé de travers. Comme à Munich, il n'entendait pas se laisser imposer des limites. Le paysan a apporté une deuxième bouteille, mais devant mon air méchant, la femme l'a enlevée en me décochant un coup d'œil complice. Cela faisait 3 à 4 heures que nous étions chez ces gens à glousser, roucouler et à faire de grandes gesticulations expressives quand le soleil a commencé à décliner, plongeant le vallon dans une ombre à peine fraîche. J'ai montré l'heure à Klaus qui a haussé les épaules. À moitié couché sur la table, il ronflait par moments. J'ai réussi à le pousser à demi-conscient jusqu'à la quatrelle et l'ai allongé sur la banquette arrière dont on connaît l'inconfort. Ensuite, j'ai ouvert la tente sur le toit de la voiture, une invention qui a bien fait rire le couple. J'ai dormi là-haut, toute seule, très tranquillement. Le lendemain, nous nous sommes levés avec le jour. Le ciel, déjà brumeux, étendait un voile de pastel sur le paysage. J'ai entendu la chanson d'une source que je n'avais pas remarquée la veille. Au moment des adieux, le paysan, une casquette sur la tête, nous a désigné un champ dans la montagne. La vie de tous les jours continuait son cours. Et nous, nous avons repris notre route. Baron me caresse la tête tandis que j'essuie des larmes avec mon mouchoir. Pourquoi tu pleures ? Pour moi, il s'est agi d'une scène de fraternisation inoubliable. J'étais infiniment triste de quitter à jamais ces gens-là et je ne saurais même pas dire pourquoi. Peut-être ces personnes ne sont-elles pas si bonnes que ça dans la vie de tous les jours. Comme nous tous. Comme nous tous, mais il y a des moments miraculeux dans toute existence. Nous nous quitterons aussi, Byron. Et je te regretterai toujours. Ce soir, Byron me demande « Comment s'est passée la fin de ton voyage ? Raconte. » Corfou, en face d'Igoumenitsa, fut notre dernière étape. Je n'en dirai pas grand-chose. Nous étions épuisés par les visites des jours précédents. Pendant une dizaine de jours, nous n'avons presque pas quitté une petite crique très ombragée près de Kerkira, où il faisait un peu plus frais que dans le Péloponnèse. J'ai fini par éprouver un certain plaisir à me faire dorer au soleil. L'après-midi, toujours à la même heure, nous allions consommer un délicieux yaourt ou une liqueur de Comcat dans un petit café. Rien de particulier à dire. Nous menions une vie de touristes ordinaires, en somme. Un jour, nous avons marché jusqu'à une grande plage faisant face à la côte albanaise, s'étirant à moins de 3 kilomètres. J'étais fascinée par ce pays interdit aux étrangers occidentaux. En dehors de l'Allemagne de l'Est, dont je m'étais déjà approchée, je n'avais jamais été aussi près d'un pays se réclamant du communisme. Et la Yougoslavie, alors ? Je n'y ai rien vu qui s'apparenterait au communisme. Continue. Devant cette rive où l'on distinguait des silhouettes, mon intérêt pour la politique s'est encore renforcé. Dès mon retour en Allemagne, je me suis abonné à un grand quotidien français que je reçois ici, à Göttingen. Mais il me laisse tellement dans le flou que je ne lis guère que les articles relatifs à la littérature et à l'astronomie, histoire de prendre vraiment de la distance par rapport aux petites choses humaines. Un petit verre d'ouzo va t'y ramener. Toi, futur médecin, tu vas faire de moi une alcoolique. Au fait, as-tu entendu parler du film Z de Costa Gavras, tourné à partir d'un roman de Vassili Kos? Il y est question de l'assassinat d'un député grec par les colonels. Tu ne m'as jamais dit ce que tu pensais de la situation de ton pays. Vous avez aussi votre Dachau sur certaines îles de la mer Égée. Byron incline la tête en prenant un air pensif. Tu sais, les murs ont des oreilles. Tu connais Costas, mon copain qui étudie ici la criminologie scientifique. Eh bien, même avec lui, je suis prudent. J'ai pris l'habitude de ne pas parler politique, je ne t'en dirai pas plus. Lis-moi donc ton texte de grec, maintenant. Un peu plus tard, je reprends mon récit. Nous avons pris le chemin des écoliers pour revenir en Allemagne. Nous nous sommes égarés à proximité de la frontière albanaise. Des soldats grecs armés nous ont interpellés et priés de rebrousser chemin. Tout près de là, une fermière, sortant d'une étable avec ses seaux de lait, nous a dévisagés comme si nous étions des martiens. À quelques kilomètres à peine, me suis-je dit, d'autres femmes exécutent les mêmes gestes dans le même paysage montagneux et sauvage. Pas seulement des Albanaises, des Grecs aussi. Quelle réalité absurde que cette frontière arbitraire entre les hommes. Nous avons rejoint la Yougoslavie par la Macédoine grecque et campé non loin de la frontière serbe. Le lendemain matin, c'était un dimanche. Nous avons été réveillés par des chants liturgiques orthodoxes provenant d'une église en contrebas d'une colline. Sous le ciel d'azur, c'était magnifique. C'est mon dernier souvenir de la Grèce. La traversée de la Yougoslavie par Belgrade et Zagreb n'a présenté aucun intérêt. Jamais je n'ai vu route plus monotone, paysage plus morne, ville plus terne, personne plus grise.